Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé qui vous parle, et nous poursuivons notre émission scientifico-culinaire en s'intéressant maintenant au panda. Alors non, le panda ne mange pas de pizza, on sait bien qu'il mange du bambou, sauf qu'il n'est pas fait pour ça puisque c'est un carnivore. Alors comment ce carnivore est devenu herbivore? La réponse avec Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie. Alors quand on dit que le panda est carnivore, en fait c'est parce qu'on fait référence à sa classification dans le règne animal, donc il côtoie qui en fait dans cette classification? C'est ça, c'est qu'on confond un peu ce qu'il est et ce qu'il fait. Ce qu'il est, c'est le produit de ses origines et de son évolution. Mm-hmm. Là, il n'y a pas de doute, c'est un carnivore. On considère même maintenant très clairement que c'est un ours. Ouais. C'est une des 8 espèces d'ours vivantes. Donc, il est un carnivore. Mais c'est un peu ambigu parce que les ours qu'on a chez nous, là, ne sont pas vraiment carnivores non plus. Donc, il y a les ours, mais s'il est dans les carnivores, c'est parce qu'à côté, il y a comme des familles apparentées qui sont vraiment carnivores. Oui, oui, il y a tous les caractères des carnivores. Il n'y a aucun doute qu'il est dans le même ordre que les loups, les phoques, oui, les blettes, les tigres, etc. Donc, c'est vraiment un carnivore, mm-hmm, en termes évolutifs. Mm-hmm. Les mammifères les plus proches parents du panda, c'est l'ensemble des autres carnivores, et particulièrement les ours. Donc, c'est vraiment un ours, mm-hmm, un des 8 ours. Mais alors ça, c'est ce qui caractérise ce qu'il est en termes d'origine et d'évolution. Mais ce qu'il fait comme carrière, ce qu'il fait comme habitus, comme activité, comme mode de vie, c'est une carrière d'herbivore. Son régime alimentaire est strictement herbivore, et même il est très spécialisé. Mm-hmm. C'est un spécialiste très pointu. 99% de l'énergie consommée vient du bambou. Mm-hmm. C'est vraiment une spécialité. Par rapport, oui, tout à fait spécialiste par rapport à d'autres ours, comme notre ours noir, mm-hmm, à nous, par exemple, qui est vraiment un généraliste, qui est un véritable omnivore. Mais dans le fond, tous les ours sont des omnivores avec une teinte particulière. Il y a des ours insectivores, d'autres qui sont davantage carnivores, et lui est une autre espèce qui est davantage mm-hmm, herbivore. Mm-hmm. Mais comment il est devenu mangeur de bambou? Parce que s'il est carnivore, il doit avoir des attributs de carnivore. Donc comment il s'est mis à manger du bambou? Il n'y avait pas d'animaux à sa portée? Il ne savait pas les chasser? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme toujours, on ne le sait pas. Ah. On ne sait pas comment ce processus a commencé. Ce qui est certain, c'est que ses plus proches parents sont des ours. Donc on peut imaginer que ses ancêtres lointains, avant qu'ils soient un herbivore, étaient des omnivores. Et petit à petit, son régime s'est modifié. On est totalement dans la spéculation, là, parce qu'on, mm-hmm, n'était pas là. Et il n'y a pas de traces dans la génétique qui nous permettraient de reconstruire les événements. Donc, mon hypothèse, c'est qu'on se trouve avec un ours au point de départ qui est un omnivore, mais qui se retrouve dans des conditions où le bambou devient abondant. Et c'est l'avantage principal de la nutrition sur le bambou, c'est que c'est très facile à récolter en grande quantité, mm-hmm, à l'année longue, mm-hmm, hiver comme été. Mm-hmm. Donc, l'animal a accès facilement à une nourriture facile à récolter. C'est beaucoup plus facile de récolter un kilo de bambou qu'un kilo de bleuet, par exemple, pour un ours d'ici. Oui, oui. Donc, c'est un peu une spéculation sur l'avantage au point de départ qui aurait, disons, encouragé, si on veut le dire en termes anthropomorphiques, mm-hmm, encouragé la sélection naturelle à favoriser les individus qui digéraient un peu mieux ou qui exploitaient un peu mieux le bambou. Et éventuellement, mm-hmm, comme toujours dans le contexte de l'évolution, après des milliers ou des millions de générations, on arrive avec un animal qui est spécialisé puis qui a quitté complètement sa niche, ouais, alimentaire du point de départ. Donc, il faut se débarrasser un peu d'une idée qu'on voit parfois, le fait que parce que le panda, qui est un carnivore herbivore, se serait trompé de niche alimentaire, qui serait comme une erreur de nature, comme on voit parfois mentionné. C'est pas du tout ça. C'est plutôt un exemple de la capacité de la sélection naturelle à bricoler, mm-hmm, des adaptations à partir d'un matériau qui est peut-être pas favorable au point de départ. Mm-hmm. Donc, à partir d'un carnivore, faire un herbivore, c'est peut-être pas évident, mais la sélection l'a fait puisque, mm-hmm, le panda est là depuis des millions d'années, qu'il est très bien adapté à sa niche alimentaire. Mm-hmm. Est-ce qu'on connaît des ancêtres fossiles du panda qui pourraient nous renseigner sur cette transition? On en connaît très peu, mais on en connaît quelques-uns qui sont un peu intermédiaires dans certains caractères des dents et caractères du crâne, mm-hmm, qui nous indiquent qu'on avait là un animal qui était en voie de devenir, ah oui, herbivore. Et même parmi les ours vivants actuellement, il y a un ours qui s'appelle, qui est d'Amérique du Sud, qui s'appelle l'ours à lunettes, ah oui, qui, lui, est partiellement herbivore, plus herbivore que l'ours noir d'ici. Alors, encore une fois, tous les ours sont omnivores, sont capables de se nourrir d'à peu près n'importe quoi, mais avec une tendance carnivore ou insectivore ou herbivore. Mais c'est curieux parce que cet ours à lunettes et le panda, est-ce que c'est pas à peu près les seuls ours qui vivent dans des régions chaudes? L'ours malais qui vit en Malaisie, qui est un insectivore. L'ours lipu qu'on trouve en Inde et au Sri Lanka, qui est un insectivore. Ah, il y a des ours quand même à plus d'endroits que je le pensais. Il y a des ours. Un des seuls continents, ou peut-être probablement le seul continent où on n'a jamais observé d'ours, ni à l'état fossile, ni à l'état vivant, c'est en Afrique. Il n'y a pas d'ours en Afrique. Alors donc, ce panda qui est un ours carnivore, qui devient herbivore dans son comportement, est-ce que, ce faisant, il a perdu des attributs du carnivore? Est-ce qu'il a perdu ses canines, par exemple? Non, il n'a pas perdu ses canines, mais ses canines sont relativement petites par rapport aux canines d'un autre ours comme l'ours noir, qui est de la même taille. Je compare souvent avec l'ours noir d'ici parce que ils ont la même taille, ce sont deux ours. Donc, ses canines sont relativement réduites. Mais ce qui est intéressant de considérer avec le panda qui arrive à faire une carrière d'herbivore malgré les handicaps qu'il possède, par exemple, un des caractères les plus importants chez tous les autres herbivores, les vrais herbivores comme les cerfs, les éléphants, les zèbres, etc., les castors, c'est de posséder des dents rugueuses qu'on peut frotter les unes contre les autres pour moudre la végétation. Mm-hmm. C'est la première étape de la digestion, c'est de moudre ça, comme on moule le café ou le blé. C'est comme quand on voit la vache qui rumine avec les mâchoires qui vont latéralement. C'est ça. Donc, alors, pour faire ça, il faut des dents rugueuses qu'on peut frotter les unes contre les autres. Il faut avoir une articulation de la mâchoire qui est ouverte, qui permet donc ces mouvements d'arrière en avant et de gauche à droite. Or, le panda a conservé un caractère de carnivore qui est très important dans le contexte, qui est une articulation très profonde qui permet seulement des mouvements de bas en haut de la mâchoire, pas du tout de gauche à droite ou de d'avant en arrière. Donc, le panda ne peut pas du tout moudre le bambou. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est d'écraser le bambou. Il est un excellent écraseur de bambou. Et il y a plusieurs caractéristiques de son appareil masticateur qui lui permet d'être un excellent écraseur. Donc, la sélection a bricolé le système masticateur des ours pour en faire un excellent presse-jus, si on veut. Mais donc, si on compare un peu avec les ruminants, justement, les herbivores, il me semble que quand on parle des vaches, si elles arrivent à digérer l'herbe, c'est parce qu'elles ont des bactéries dans leur... dans leur système digestif, qui leur permet de digérer. Est-ce que le panda est équipé aussi? Non, là aussi, il est handicapé. Il est handicapé. Parce que quand on parle d'un herbivore qui se nourrit donc de plantes, il faut faire la distinction entre le contenu cellulaire des plantes et les parois cellulaires. Le contenu cellulaire, c'est des liquides qui sont relativement faciles à digérer avec des huiles, des sucres, des protéines, etc. Alors que les parois cellulaires sont essentiellement faites de cellulose. Et il n'y a aucun animal qui produit la cellulase, l'enzyme nécessaire pour digérer la cellulose. L'enzyme est toujours produite par des bactéries qui sont logées dans une partie du système digestif, soit dans l'estomac, si on est un ruminant, soit dans l'intestin. Une partie de l'intestin qui correspond à notre appendice, qu'on appelle le cecum, comme chez les éléphants, par exemple, ou les zèbres ou les castors. Donc, il faut une chambre de fermentation où la cellulose est digérée. C'est comme si l'herbivore donnait à sous contrat aux bactéries, aux microbiotes, la digestion de la cellulose. Mais le panda n'a pas ça. Alors, finalement, il a des handicaps. Il n'a pas les bonnes dents, il n'a pas le bon microbiote. Il n'a pas le système digestif. Est-ce qu'il a d'autres handicaps? C'est un herbivore handicapé. C'est un herbivore handicapé. Et ça montre l'ingéniosité de la sélection qui a malgré tout réussi à faire un herbivore avec le panda. Donc, essentiellement, le panda se nourrit seulement du contenu cellulaire. Et en moyenne, selon les saisons, il digère à peu près seulement 17 % de ce qu'il mange. Donc, il doit consommer des quantités énormes de bambou, parce que tout ce dont il se nourrit, c'est le jus du bambou. Donc, c'est un gros presse-jus qui transforme le jus de bambou en panda. Ouais. Puis, donc, il doit manger des quantités phénoménales. Ouais. Un panda, en moyenne, selon les saisons, mange pendant 15 heures par jour. Ah, oui. Et il digère seulement 17 % de ce qu'il mange. Ouais. Donc, il produit des fesses en quantité astronomique. Il défait autour de 50 fois par jour. Ah, c'est un tube digestif. C'est un tube digestif ambulant où le bambou rentre rentre à une entrée puis sort presque intact de l'autre côté. Ouais, c'est pas très efficace finalement. Il y a une perte d'énergie là parce que. En termes d'efficacité de digestion, je pense que c'est l'herbivore le moins efficace. Ouais. Comme efficacité énergétique, là, pour employer une expression à la mode, il mâche beaucoup pour pas grand-chose. Il mâche beaucoup pour pas grand-chose, donc il doit mâcher 15 heures par jour. Et le jus de bambou est tellement pauvre que, contrairement à toutes les autres espèces d'ours, le panda ne peut pas faire de réserve de graisse suffisante pour passer l'hiver en hibernation ou en hivernation. Mm-hmm. Donc, il doit être actif 365 jours par année, 15 heures par jour à mâcher du bambou. Mm-hmm. Mais est-ce que... parce que, donc là, ce que je comprends, c'est qu'il peut manger l'intérieur du bambou, mais pas tout ce qui est fibreux, tout ce qui est c'est ça. Tout solide. Mais donc, est-ce que ça veut dire qu'il doit choisir, sélectionner des jeunes bambous? Parce que oui, une plante qui grandit, qui vieillit, elle devient plus fibreuse. Absolument. Il doit être absolument sélectif. S'il n'était pas sélectif, il ne pourrait pas survivre en mangeant du bambou. Et ici, c'est intéressant aussi parce que si on compare le panda aux autres mammifères herbivores qui sont sélectifs, c'est soit des animaux qui ont des lèvres très fines et des petites dents comme un chevreuil ou un lièvre ou un lapin pour pouvoir être sélectif, ou des primates qui ont des doigts très agiles pour pouvoir sélectionner les parties les plus nutritives. Mais le panda est encore handicapé à ce point de vue-là. Il n'y a ni un ni l'autre. Mm-hmm. Il y a des grosses pattes d'ours. Puis il y a un gros museau et des dents. Ce qui lui permet d'être sélectif, c'est un autre bricolage de la sélection naturelle, c'est qu'à chaque main, il a deux pouces. Ah, le fameux pouce du panda, là. Le fameux pouce du panda. Donc, c'est un petit os du côté du radius, du côté du pouce, qui est pratiquement inutile chez les autres ours et chez les autres mammifères. On possède aussi ce petit os qui s'appelle un sésamoïde radial. Mm-hmm. Et la sélection l'a allongé au cours des générations. Et on a fait une espèce de deuxième pouce qui n'est pas très, très beau à voir, qui n'est pas très, très, très flexible comme notre pouce du tout. Il n'est pas du tout opposable. Mm-hmm. Ça ressemble plus à une grosse verrue, mais qui fait toute la différence, qui permet au panda de tenir les tiges de bambou, d'extraire les feuilles qui l'intéressent, de tenir les tiges de bambou puis de décortiquer l'extérieur de la tige pour manger seulement les parties les moins fibreuses, les plus juteuses, comme nous on fait avec les asperges. On ne mange pas la base de la tige parce que c'est trop fibreux. Pour un cerf, les tiges d'asperges, c'est une nourriture extrêmement riche parce qu'il y a beaucoup de cellulose, ils peuvent la digérer. Mais le panda doit être extrêmement sélectif, mais la sélection a inventé une façon particulière au panda d'être sélectif. Mmh. Donc finalement, cette espèce de pouce là, d'os qui est donné à un autre pouce, ça lui donne une certaine dextérité pour mieux choisir ou être plus sélectif sur ce qu'il mange. Le mot est un peu fort, c'est pas vraiment de la dextérité. Ça permet simplement d'agripper la tige et de la retenir pendant que les dents font le travail. Donc, ça lui permet de manipuler, d'une certaine façon, maladroitement, mais suffisamment pour pouvoir vraiment choisir les parties les plus nutritives pour pouvoir extraire le maximum de la nourriture. Mais ce faisant, ça le rend quand même très, très dépendant du bambou. Très dépendant. Et peut-être que le bambou, est-ce qu'il fait toujours des jeunes pousses? Est-ce qu'il y a toujours des jeunes pousses disponibles de bambou durant toute l'année? Oui. Donc, le panda doit... C'est encore une fois, l'avantage principal de se nourrir du bambou, c'est que c'est très facile à récolter en peu de temps à l'année longue. Mais le bambou présente un désavantage majeur pour quelqu'un qui veut se nourrir du bambou à l'année longue. C'est le mode de reproduction du bambou. Normalement, le bambou se reproduit d'une façon asexuée, par bourgeonnement. Il y a un rhizome dans le sol. À intervalles réguliers, il y a un nœud sur ce rhizome, d'où émerge une tige. Ouais. Donc, on se retrouve avec des tales de plants de bambou qui sont un clone, en fait, du même individu. Ça fait comme les roseaux qu'on voit ici, là. Comme les roseaux, comme un fraisier, ou comme le chien-dent, qui est une autre graminée, parce que, en fait, le bambou est une graminée, c'est une herbe géante. Une herbe. Donc, le bambou se reproduit presque toujours de cette façon végétative. Mais à période régulière pour une même espèce, mais variable selon les espèces, ça peut être à tous les 5 ans, à tous les 10 ans, à tous les 50 ans ou même à tous les 100 ans, tout d'un coup, les tiges de bambou se reproduisent de façon sexuée. Donc, les tiges de bambou produisent des fleurs, produisent des graines et meurent tout en même temps. En masse. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une forêt de bambou qui est dévastée, autant que s'il y avait eu un incendie ou s'il y avait eu une coupe à blanc. Ouais. Et là, le panda est comme coincé, il doit chercher de la nourriture ailleurs. Et c'est pas un animal qui est très, très mobile. Parce qu'une de ses adaptations qui lui permet de survivre malgré la pauvreté de la nourriture dont il se nourrit, c'est le fait qu'il soit très sédentaire. Si on compare encore une fois à l'ours noir, qui est un ours de la même dimension, l'ours noir d'ici, en gros, un ours noir d'ici a un domaine vital, c'est-à-dire la superficie dans laquelle il fait toutes ses activités pendant une année, un domaine vital d'à peu près 100 km². Chez le panda, c'est 5 km². Ouais. Donc, un panda se retrouve dans une superficie très petite pendant toute sa vie. Mmh. J'imagine que c'est une stratégie pour ne pas dépenser beaucoup d'énergie, vu qu'il ne tire pas beaucoup d'énergie de ses aliments. C'est une de ses stratégies, d'être sédentaire, de minimiser les activités sociales le plus possible, d'avoir une fourrure qui est très isolante. Et si vous avez vu des images de pandas dans des films ou sur des photos qui sont en train de s'alimenter, ils sont toujours assis au coucher. Ouais. Donc, c'est un paresseux extraordinaire. Il fait des prouesses d'économie d'énergie pour pouvoir survivre avec une nourriture qui est très pauvre. Donc, une fois que le bambou s'est reproduit et que la forêt est dévastée, bien, pour un animal très peu mobile comme le panda, il doit chercher du bambou ailleurs. Oui. Là, c'est pas évident, mais c'est quand même curieux. Ça veut dire que toute une forêt, toute la talle de bambou meurt de façon synchronisée. De façon synchrone. C'est ce que j'appelle une sorte de Big Bang, de reproduction sexuée, suicidaire. Ouais. Toutes les tiges se reproduisent en même temps. Ce qui fait que dans 5 ans ou dans 20 ans, le phénomène se reproduira puisque toutes les tiges naissent en même temps aussi. Les graines sont produites en même temps. Alors, on ignore pourquoi il y a cette synchronie aussi forte de la reproduction sur une région. Donc, le panda doit déménager un peu plus haut dans les montagnes ou un peu plus bas ou dans la vallée suivante, ce qui n'est pas facile pour lui. Pour retrouver soit la même espèce qui n'est pas en train de fleurir, soit une autre espèce qui est avantageuse. Parce qu'il y a un très grand nombre d'espèces de bambou, mais le panda est limité à un certain nombre d'espèces préférées. Donc, peut-être que ça nous amène aussi à parler de la situation du panda, parce que, bon, il est très dépendant du bambou. C'est un spécialiste du bambou. Le bambou a une biologie particulière qui fait que quand le bambou meurt sur place, il faut qu'il aille ailleurs. Et en plus, nous, humains, on coupe aussi. c'est le grand problème du panda. Le panda, encore une fois, est très bien adapté à sa niche alimentaire par toutes sortes de trucs qui lui permettent de quand même bien vivre depuis des millions d'années en se nourrissant du bambou. Mais maintenant, quand le bambou fleurit dans son domaine vital, puis qu'il doit se déplacer ailleurs, très souvent ailleurs, il ne trouve pas de forêt de bambou, mais il trouve des villages où il trouve des terres cultivées. Donc, il y a une pression très, très forte sur les habitats naturels qui fait que le bambou est très désavantagé. Donc, le bambou, sans l'humain, n'a aucun problème à s'adapter à son milieu. Donc, c'est nous qui sommes la source de tous ces problèmes. Mais évidemment, il y a seulement nous aussi qui pourraient le sauver de nous. Parce que la sélection naturelle ne peut pas le modifier suffisamment rapidement pour qu'il puisse s'adapter. Et donc, c'est un des caractères très surprenants du panda, c'est qu'il est un ours, donc par définition, il est omnivore, et en captivité, il peut manger autre chose que du bambou, mais en nature, quand son bambou meurt, il se laisse mourir de faim. Ah oui. Donc, il y a au moins un événement de ce genre qui est bien documenté dans la réserve de Wolong en 1983, où il y a eu une saison de floraison du bambou, et entre 50 et 80 des pandas locaux sont décédés. Dans une forêt très riche en toutes sortes d'autres plantes qui auraient été tout à fait comestibles pour un ours ordinaire comme notre ours noir. Alors, dit autrement, pendant que notre ours noir dans cette forêt-là, sans bambou, serait mort de rire parce qu'il y aurait eu plein de nourriture, le panda meurt de faim. Et cette insistance à manger du bambou, malgré le fait que c'est un ours qui serait capable de digérer d'autres plantes, ça, c'est un mystère. C'est un peu curieux. Mais donc, quand il est en captivité, il mange quoi? En captivité, particulièrement en Chine, où il y a beaucoup de bambou, on essaie de le nourrir essentiellement avec du bambou. Mais on n'arrive pas toujours à le nourrir uniquement avec du bambou. On lui donne d'autres choses et il est tout à fait capable de digérer de la viande, de digérer des céréales, de digérer des fruits, des légumes, comme n'importe quel ours. Donc, il est capable de le faire, mais si on le met dans une situation où il n'y a rien d'autre puis on n'est pas en captivité... Mais il n'est pas capable d'en trouver dans la forêt de ces fruits, par exemple, qui seraient exemptes de cellulose. Il ne peut pas trouver de ces mêmes fruits. Absolument. Il peut facilement en trouver. Il y en a partout. Puis il y a d'autres plantes. Mais il n'a pas l'idée? Il est comme obsédé par le bambou. Faudrait peut-être demander à un chimiste une explication. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le bambou qui l'attire ou qui est une sorte de drogue qui le met en transe. Là, je suis en train de spéculer tout à fait. Mais c'est cette obstination qui va jusqu'à se laisser mourir de faim est surprenante et incompréhensible. Et en fait, on dit que, juste en terminant, on dit que on a toujours l'image que le panda vit dans les forêts de bambou en Chine, mais on le trouve où? en Chine. Juste en Chine? Aujourd'hui, juste en Chine. Ah oui? Il y a quelques centaines d'années, on en trouvait dans le nord de l'Inde, au Tibet, au Népal, et dans les pays limitrophes, mais maintenant, c'est seulement dans quelques régions en Chine. Et c'est un des problèmes, parce que même si la population de pandas a augmenté dans les dernières années, on est passé d'à peu près 1000 à 2000. Ce 2000 pandas est distribué dans des petites populations. Ah oui. Donc, au point de vue génétique, c'est très vulnérable à la survie de ces populations-là. Donc, ça va être difficile pour que l'évolution bricole autre chose pour lui permettre de peut-être avoir l'idée de manger autre chose que du panda. Oui, puis la sélection naturelle est beaucoup trop lente pour ça. Il ne faut pas compter là-dessus. On voit souvent l'image du panda et on croit le connaître, mais je m'aperçois qu'on est loin de le connaître et on ne connaissait pas ce carnivore devenu herbivore. Alors, merci beaucoup, Cyril. Bienvenue, merci à toi. Merci, donc, je rappelle que Cyril Barrette est professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval.